Chapitre 26e. Décidément, Madame de Lucilière ne s'était pas trompée en affirmant que Thérèse aimait son cousin. Ce refus, persistant chez elle, d'accepter Michel pour mari, qui cédait le jour même où elle apprenait que son cousin se mariait, sa lutte obstinée contre la volonté de son père, que d'ordinaire elle respectait religieusement, ce silence sur l'annonce de ce mariage qu'elle avait lu dans le sport, cette manie de lire un journal si peu fait pour sa condition. Enfin, cette nuit agitée, cette fièvre succédant au consentement que de guerre lasse, elle avait fini par se laisser arracher. Tout cela était significatif. Et il aurait fallu fermer obstinément les yeux à la lumière pour ne pas voir qu'il y avait dans tout cela de quoi appuyer singulièrement l'affirmation de la marquise. Mais cet amour qu'elle avait affirmé, était-il ce qu'elle avait dit? Sur ce point, le doute semblait permis, car si cet amour n'était pas un simple caprice, il ne devait pas se résigner si facilement à mourir. Si Thérèse aimait vraiment son cousin, elle ne pouvait pas accepter sans résistance le mari qu'on lui imposait. Antoine, il est vrai, avait dit que la lutte avait été longue et vive pour arracher cette acceptation. Mais qu'est-ce en réalité qu'une lutte qui dure quelques heures et qui, après une velléité de résistance, ne persiste pas? Ce qui contribuait beaucoup à fortifier les doutes du colonel sur l'amour de Thérèse, c'était la secrète satisfaction qu'il éprouvait à se dire qu'il n'était pas la cause d'un chagrin bien grand et bien profond chez sa petite cousine. On croit volontiers ce qu'on désire, et ce qu'il désirait, sans se l'avouer franchement, c'était de n'avoir rien à se reprocher en cette affaire. Et précisément, parce qu'il ne se sentait pas la conscience très nette, il était ingénieux à trouver des raisons qui le justifiassent. Thérèse malheureuse, il eût été malheureux lui-même. Tandis qu'en se disant qu'elle avait accepté, sans trop souffrir, le mari que son père souhaitait, il avait le cœur plus léger. Pourquoi l'aurait-elle aimé après tout? Il avait eu, il est vrai, des conversations avec elle qu'on n'a pas ordinairement avec une cousine qui ne doit être pour vous, dans le présent comme dans l'avenir, rien qu'une cousine. Mais enfin, ces conversations n'avaient pas été de nature à provoquer l'amour dans cette âme de jeune fille. Il avait pris, il est vrai, plaisir à l'étudier et à plonger ses yeux dans ses beaux yeux naïfs. Il avait pris plaisir aussi à tenir dans ses mains ses beaux cheveux si fins et si soyeux. Il avait serré son bras contre lui, plus tendrement peut-être qu'on ne serre le bras d'une petite cousine. Mais tout cela n'était pas un engagement, et strictement il pouvait se dire qu'il n'avait rien fait pour qu'elle l'aimât. Qu'elle eût deviné qu'à un certain moment il était attiré près d'elle par un sentiment plus que tendre, cela n'était guère probable. Et si elle avait deviné ce sentiment, elle n'y avait pas répondu par un engagement bien sérieux. Peut-être avait-elle alors fait des rêves et des projets de petite fille romanesque, cela était possible, mais en tout cas, ses rêves n'avaient pas tenu contre la réalité de la vie, et l'amour affirmé par Madame de Lucilière n'avait jamais existé que dans l'imagination de celle-ci. Et vraiment, il était heureux qu'il en fût ainsi. Car enfin, qu'eût-il fait, qu'eût-il pu faire, s'il s'était trouvé en présence d'une vraie passion chez Thérèse? Engagé comme il l'était avec Carmélita, il n'eût pu que regarder et souffrir cette chère petite pour laquelle il ressentait une si vive tendresse. Oui, assurément, cette tendresse fut facilement devenue de l'amour. Peut-être même ce sentiment avait-il existé dans son cœur à un certain moment. Mais maintenant le mieux était de ne pas s'en souvenir. Il devait épouser Carmélita. Thérèse consentait à devenir la femme de Michel. Les choses ainsi arrangées étaient pour le mieux, puisqu'il n'y avait pas moyen qu'elles fussent autrement. C'était rapidement, instantanément pour ainsi dire, que ces réflexions s'étaient faites en lui. Arrivé à cette conclusion, il éprouva un grand soulagement, et ce fut presque joyeusement qu'il remplit le verre de son oncle et le sien. « Au mariage de Thérèse, dit-il, à son bonheur et au vôtre, mon oncle. » Le déjeuner s'acheva plus joyeusement qu'il n'avait commencé au moins pour le colonel, tranquillisé dans sa conscience. « Voulez-vous annoncer ma visite à ma petite cousine pour tantôt ? » dit le colonel à son oncle lorsque celui-ci se leva pour se retirer. « Je tiens à lui prouver qu'elle avait deviné juste, en pensant que je voulais moi-même vous faire part de mon mariage. Et qu'appelez-vous tantôt ? Mais 4 ou 5 heures. » Antoine parut contrarié. « 7 heures ne vous va pas. Je ne dois rentrer que pour souper et j'aurais voulu être à la maison quand vous viendrez. Et moi aussi, je veux que vous soyez chez vous car j'ai une demande à vous adresser qui confirmera le sentiment de ma cousine. » Une demande à moi? Et qui doit être faite chez vous? Cependant, puisque nous en parlons, Je veux bien vous dire tout de suite quelle elle est. Cela ne m'empêchera pas de vous la répéter, mais officiellement. Je veux vous prier d'être un des témoins pour mon mariage. Moi, mon cher Édouard, y pensez-vous? Assurément, j'y pense. N'êtes-vous pas mon oncle, mon plus proche parent? Vous épousez une princesse. Mademoiselle Belmonte n'est pas tout à fait une princesse. Quand elle sera une reine, cela empêchera-t-il que vous fussiez le frère de mon père et qu'en cette qualité, votre place fût près de moi? Ne me demanderez-vous pas d'être le témoin de ma cousine? Certes oui. Eh bien, alors vous serez le mien. Mais nous discuterons cette question tantôt ou plus tôt. Vous m'y répondrez. Seulement, comme je veux vous trouver chez vous, j'irai à l'heure de votre souper et si vous le voulez bien, je vous demanderai de partager ce souper avec vous. Bien que Thérèse se mariait, le colonel n'avait plus la même gêne à aller rue de Charonne. Et puis elle connaissait son mariage, il n'aurait donc pas à le lui annoncer. Il arriva un peu avant l'heure du souper et ce ne fut pas sans une certaine émotion qu'il monta l'escalier de son oncle. Chose bizarre, sa conscience, qu'il avait calmée à l'aide de raisonnements plus ou moins subtils, se révoltait pour protester d'une façon pour ainsi dire matérielle. Son sang battait lourdement dans ses veines, il était oppressé et ne se sentait pas à son aise. Du palier, il n'entendit aucun bruit dans l'atelier. Il poussa la porte et entra. L'atelier était désert et sombre. Alors il se dirigea vers la cuisine. Mais dans l'obscurité, il accrocha un morceau de bois qui tomba et fit du bruit. « Qui est là ?» demanda une voix, celle de Thérèse. Il allait répondre, quand la porte s'ouvrit, et Thérèse parut, tenant une lampe à la main. « Ah, mon cousin, c'est vous » dit-elle. C'était là le mot dont elle le saluait autrefois. Mais il lui sembla qu'elle ne le jetait pas avec le même éclat joyeux. Ils restèrent durant quelques secondes en face l'un de l'autre sans se parler. Enfin, il s'avança et lui tendit la main. Elle lui donna la sienne. « Mon oncle m'avait annoncé que vous étiez souffrante, » dit-il. « Comment êtes-vous présentement ?»« Ah, très bien, je vous remercie. Ce n'était rien, un peu de fièvre. J'avais eu froid et chaud sans doute, et cela me donne toujours un accès de fièvre, mais qui ne dure pas. » Cependant, son aspect donnait un démenti à ses paroles. Elle ne paraissait pas être très bien, comme elle le disait, tout au contraire, très pâle, avec les yeux ardents. Le colonel crut remarquer qu'elle tremblait. Mais comme elle avait posé sur la table la lampe, dont l'abat-jour était posé très bas, il la voyait mal, et seulement dans l'ombre. « Mon père n'est pas encore entré, » dit-elle, « mais il m'a envoyé un mot pour m'avertir que vous veniez souper avec nous, ce qui est bien aimable à vous. » « Ah, ma cousine !» Alors, apprenant cela, Denisot a voulu vous servir un souper digne de vous, a-t-il dit, et il est sorti pour cela. « Mon oncle Soriol n'est pas non plus rentré, de sorte que je suis seul. » Le colonel remarqua qu'il avait évité de nommer Michel. Cependant, en regardant sur la table qui était mise, il vit six couverts, ce qui indiquait que Michel devait souper avec eux. Il se fit un silence entre eux, comme s'il ne savait ni l'un ni l'autre, de quoi parler, ou s'il n'osait. Comme ce silence devenait de plus en plus gênant, à mesure qu'il se prolongeait, le colonel aborda le sujet de sa visite. « Mon oncle m'a dit que vous attendiez ma visite. Je vous remercie de n'avoir pas douté de moi. »« Comment aurais-je douté de vous, mon cousin? Vous nous avez toujours témoigné une grande amitié. »« Si je ne suis pas venu plus tôt, c'est que je ne suis à Paris que depuis 2 jours, et je ne sais comment cette indiscrétion à propos de... » Il entassait les mots avant que d'arriver à celui qui était décisif. « À propos de ce mariage, a pu être commise. » Elle ne répondit pas, et comme il la regardait, elle leva la tête vers le plafond, de sorte qu'il ne put pas voir l'effet que ce mot avait produit sur elle. Alors il reprit, décidé à en finir tout de suite. « En même temps, mon oncle m'a communiqué une nouvelle qui le rend bien heureux, celle de votre mariage. »« Il est vrai, » dit-elle d'une voix presque ferme, « je me marie. » Je me suis rendu au désir de mon père. Vous a-t-il dit quelles étaient ses craintes et dans quelle position il se trouvait? Il me l'a dit. J'ai voulu qu'il n'eût pas au moins d'inquiétude à mon égard, et puisque mon mariage doit le rassurer, je me marie. Vous êtes un brave cœur, ma chère cousine, une bonne et tendre fille. Je ne suis pas la fille que vous croyez, car si je l'étais, je n'aurais pas attendu jusqu'à ce jour pour contenter mon père, qui souhaitait si ardemment me voir mariée. De nouveau, il s'établit un silence, et il l'entendait respirer difficilement. Il lui voulut parler, et il ne savait que dire. Il n'osait même pas la regarder. Ce fut elle, cette fois, qui reprit la parole la première. Vous souvenez-vous, dit-elle, du rêve que vous m'avez fait vous raconter, quand vous m'avez demandé de vous expliquer quel mari je prendrais? Je voulais qu'il m'aimât comme je voulais l'aimer, et je disais, n'est-ce pas, que je ne me marierais jamais, si je ne sentais pas en moi ce grand amour. Comme on fait des projets quand on est petite fille, comme on bâtit des châteaux qui sont peu solides. Oui, je m'en souviens, dit-il. Mais ce grand amour, c'est le rêve, n'est-ce pas? C'est la poésie, ce n'est pas la réalité. Dans la vie, on se marie parce qu'on doit se marier. Et l'on peut être une honnête femme, je pense, une bonne mère, sans ces sentiments extraordinaires. Le pensez-vous aussi? Sans répondre directement, il fit un signe affirmatif, car la gêne qu'il éprouvait déjà en montant l'escalier lui devenait plus pénible, et sa conscience était moins ferme. « Je vous ai dit, reprit-elle, toute l'amitié que j'éprouvais pour Michel. Il a toujours été pour moi un camarade, un ami, un frère. Et il sera désormais un mari. Je ne pouvais pas en espérer un plus honnête, un plus digne. Et je crois comme mon père que notre vie sera heureuse. Je voulais des ailes à l'existence que je rêvais. Mais c'est peut-être sur la terre, terre à terre, qu'est le bonheur possible en ce monde. Il croit que je pourrais le rendre heureux. Je m'y appliquerai de tout mon cœur. » Elle parlait doucement, simplement, comme si elle parlait pour elle seule, pour se rassurer, pour se persuader, pour s'expliquer à elle-même ce qu'il pouvait se trouver de bon dans ce mariage et le justifier. Ses paroles, et surtout le ton sur lequel elles étaient dites, avaient profondément touché le colonel et l'avaient attendri. Que dire? Il ne trouvait pas un mot. Heureusement, la porte, en s'ouvrant, le tira de l'angoisse qui le serrait à la gorge et l'étouffait. C'était Denisot qui rentrait, chargé d'un immense panier. « Ah, colonel, dit-il en posant son panier, ça ne se fait pas, ces choses-là. Les grands cuisiniers veulent être prévenus au moins 24 heures à l'avance. Vous n'allez pas trouver un souper digne de vous. »« Qu'importe, mon bon Denisot, comment qu'importe, et ma gloire ?» Puis donnant une poignée de main au colonel, « Comme homme, je suis joliment content de vous voir, mais comme cuisinier, vous savez, je suis vexé. Avez-vous faim? Pas trop. » Comme homme, j'en suis fâché, mais comme cuisinier, j'en suis bien aise. » Et clopin clopant, il s'occupa de tirer toutes les victuailles qui étaient entassées dans son panier. Pendant ce temps, Antoine rentra, puis Michel. Contrairement à ce qu'il était d'ordinaire, le jeune ouvrier montra une physionomie ouverte et souriante. Ses yeux semblaient moins enfoncés, moins sombres. Il vint au colonel et s'informa poliment, presque affectueusement, de sa santé. Chose bizarre, ce fut celui-ci qui eut l'attitude roide et contrainte que Michel avait autrefois avec lui. Il dut se faire violence pour répondre convenablement quelques mots aux questions qui lui étaient adressées. Puis il se tut, observant les regards que Michel jetait sur Thérèse. Évidemment, la joie débordait en lui. Il était plus léger, plus jeune. Ses yeux lançaient des flammes. Quant à Thérèse, elle paraissait réellement souffrante de corps et d'esprit. Sur son visage contracté, dans les coins de sa bouche tirée en bas, dans son regard fixe, dans toute la physionomie aussi bien que dans l'attitude de son corps, on lisait l'abattement et la tristesse. En la regardant ainsi, le colonel constata que depuis qu'il l'avait vue, elle avait embelli. Elle n'était plus la petite fille qu'il avait trouvée en arrivant à Paris, avec une tête trop grosse et des bras trop maigres. Ses bras avaient pris de la chair. Le corsage aussi s'était formé et maintenant tout était en harmonie. Le souper était servi sur la table. Antoine invita son neveu à s'asseoir. « Prenez la place de votre père, mon neveu. » À ce moment, Sauriol fit son entrée. Sorti depuis le matin, il ignorait que le colonel dut souper avec eux. En l'apercevant, il poussa des exclamations joyeuses. Et après avoir déposé son chapeau sur le pupitre d'Antoine et vidé les poches de son habit plein de livres, de papiers, de journaux et de brochures, il accapara la conversation. Il y avait vraiment des coïncidences dans la vie. Ainsi, sans se douter qu'il verrait le colonel le soir même, il s'était occupé de lui pendant toute la journée, de moi, de vous incidemment, c'est-à-dire de votre nouvelle famille, de celle dans laquelle vous allez entrer, des princes Mazzazzoli et du rôle qu'ils ont joué dans l'histoire. Je me rappelais très bien avoir vu leur nom dans Sismondi, mais je ne me rappelais pas au juste quel avait été leur rôle. Alors il se mit à parler de l'héritage de la comtesse Mathilde, de la guerre du sacerdoce et de l'Empire, des Guelfes, des Gibelins, de la maison d'Est et de celle des Médicis, en citant Sismondi, Guicciardini, Pignotti, Quinet. Il était ferré et prêt à coller le contradicteur qui aurait voulu l'arrêter. Mais il n'en trouva point et on le laissa faire librement son cours d'histoire sur les Mazzazzoli. Sans ce nom qui le gênait chaque fois qu'il revenait, le colonel était très satisfait de cette dissertation, qui le dispensait de parler lui-même et lui permettait d'observer Thérèse sans être dérangée. Elle était à table ce qu'elle s'était montrée quelques instants auparavant. Assurément, elle s'imposait, à force de volonté, une attitude et une contenance. Mais malgré elle, son trouble intérieur se manifestait au dehors de mille manières. Ainsi, elle ne pouvait avaler les petits morceaux de pain qu'elle mettait dans sa bouche qu'en les mouillant avec de l'eau rougie. On voyait ses dents se serrer, comme si elle éprouvait du dégoût pour ce qu'elle mangeait. Mais à l'exception du colonel qui la regardait de temps en temps à la dérobée, personne ne s'apercevait de cette gêne. Michel était tout à son contentement. Soriol parlait et quand il s'écoutait, le plancher eût pu s'effondrer. Il eût assurément continué son discours en dégringolant. Antoine et Denisot suivaient attentivement ce récit pour eux plein d'intérêt. Ces villes libres tombant sous le despotisme de quelques familles princières, cela touchait Antoine. « Partout est toujours la même chose, » disait-il. « Pour lors, » interrompit Denisot à un certain moment, « si j'ai bien compris ce que nous raconte Soriol, il y aurait eu pas mal de canailles dans l'illustre maison des Mazzazzoli. C'est Innocenzo Mazzazzoli qui assassine pour de l'argent. Ce n'est qu'un fameux gredin, vous savez. Et cet autre, Ridolfo, qui trahit les Français qui le payaient, il ne vaut pas cher. « Eh bien, Denisot ?» interrompit sévèrement Antoine. « Quoi donc ? Ce n'est pas faire injure au colonel que de dire que dans les ancêtres de sa future femme, il n'avait qu'été des chenapans. Si les Denisot avaient des ancêtres historiques, on en trouverait sans doute qu'ils ne vaudraient pas cher non plus. Ce que je voulais marquer, c'est que tant de gens qui sont fiers de leur antique race feraient mieux de ne pas en parler, voilà tout. Moi, j'aime mieux descendre d'un brigand inconnu que d'un brigand illustre. Au moins, ça ne me gêne pas, puisque je n'en sais rien. » La soirée ne se prolongea pas très avant, et quand le colonel se retira, Michel voulut l'accompagner pour l'éclairer. Mais arrivé au bas de l'escalier, il posa sa petite lampe sur une marche, puis, tendant la main au colonel, « Monsieur Édouard, dit-il, voulez-vous me permettre de vous demander votre amitié ? Vous ne m'avez peut-être pas trouvé toujours très poli avec vous, et j'ai à me reprocher d'avoir mal accueilli vos bons procédés. Je vous en fais mes excuses. J'avais alors du chagrin, et puis je ne vous connaissais pas. Aujourd'hui, je vais devenir votre parent, puisque je serai le mari d'une femme à qui vous avez témoigné toujours une grande amitié. Je vous jure que je la rendrai heureuse. » Ce discours, heureusement un peu long, permit au colonel de se remettre. Il donna sa main à Michel, mais bien qu'il eût l'intention de serrer celle du jeune sculpteur, il ne la serra pas. Ils se séparèrent. Il s'en revint à pied, le long des boulevards, réfléchissant. La pauvre petite, elle n'aimait pas le mari qu'elle acceptait, et cependant elle l'épousait. Quelle vie aurait-elle ? Puis, abandonnant Thérèse, il fit un retour sur lui-même. Aimait-il Carmelita ? Cependant, il l'épousait. Quelle vie serait la sienne ?